France Inter. Il a chaussé ses lunettes. François Morel, c'est à vous. Chacun a ses manies, chacun a son histoire. La mienne, comme d'autres, est assez dérisoire. J'aime aller me vêtir vers les 8 heures du soir en prince ou en mendiant devant un auditoire. J'aime prendre l'habit de Tartuffe ou d'Alceste, de Ruy Blas ou Dubu. Je suis un palimpseste sur lequel sont inscrits des rôles qui s'effacent, dont il reste des bouts avec le temps qui passe. J'aime aller me changer pour être un personnage, devenir quelqu'un d'autre et vivre davantage. J'aime aller m'affubler du nez de Cyrano, passer une ringrave, une cape, un manteau, enfiler un costume et changer d'apparence. Ça a moins d'intérêt en visioconférence. Parce qu'en ce moment triste est mon quotidien, si je ne peux pas jouer, je ne sers plus à rien. Alors que mon beau-frère, et ça c'est pas logique, il peut servir à la messe en habit liturgique, dans sa petite paroisse il absout les péchés, en chasuble, en soutane, j'aurais dû faire curé. Chacun a ses usages, chacun a ses rituels, j'ai des défauts, c'est sûr, mais je suis très ponctuel. À l'heure où l'employé a fini son service, jouissant de son foyer, moi je suis en coulisses. Je récite mon texte une dernière fois, je mets du fond de teint et j'exerce ma voix. Je salue des amis, régisseurs, comédiens, valets de comédie, barbons ou musiciens, comiques, tragédiens, vedettes, figurants, tous en déséquilibre au bord du firmament. Et j'attends le moment avec espoir et crainte où la salle d'un coup enfin sera éteinte. Et moi, qui dans la vie suis un type banal, je soulève un public de façon colossale. Mais depuis trop longtemps, me voilà empêché d'exercer mon art ou juste mon métier, surtout qu'après souvent le spectacle fini, on boit quelques godets, enfin, on se finit. Alors que mon cousin, le salaud, l'animal, grâce à un rituel d'ordre pontifical, au sein de sa paroisse, et ça me désespère, écluse les burettes, j'aurais dû faire vicaire. On ouvre les mosquées, les temples, les églises, les synagogues aussi. Il faut que je te dise, les théâtres, vois-tu, comme des sanctuaires, réunissent parfois des volontés contraires. Certains croient dans le ciel et d'autres n'y croient pas. On ne demande rien et chacun fait son choix. Note bien que tous ceux qui en Dieu ne croient pas recherchent des réponses, rêvent d'un au-delà. À l'orchestre, au balcon, assis dans leur fauteuil, sans se mettre à genoux, ils prient et se recueillent. Car vois-tu, un théâtre est un geste barrière contre les fanatiques et tous les mortifères. Le théâtre combat les superstitions. Un théâtre fermé est une aberration. Je ne peux pas jouer et j'en suis malheureux. J'ai besoin de la scène éclairée de ses feux. J'ai besoin du public et de l'entendre rire et le sentir ému et pleurer et frémir. Alors que mon papa, qui n'est pas un méchant mec, rassemble ses fidèles, j'aurais dû faire évêque. François Morel, je n'aurais qu'un mot. Bravo!